السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، موضوع الليلة لا يشبهه غيره، فهو فريد في بابه، كيف لا وأحدثكم الليلة عن موت سيد الأنام أكرم الإمام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عن إمامنا وقدوتنا، عن معلمنا وأحب الناس إلينا عليه الصلاة والسلام. موت الحبيب عليه الصلاة والسلام فيه دروس وعبر، مصيبة جلل، ابتلاء عظيم، ابتليت به الأمة الإسلامية والناس أجمعين. Après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala, prier sur son humble prophète, prier sur son humble prophète messager sallallahu alayhi wa sallam, le sujet de la soirée est un sujet qui touchera tout le monde, un sujet très sensible, très lourd à citer. Comment cela pourrait-il être autrement alors que je veux vous parler de la mort de la mère des créatures, de la mort de la créature que nous aimons le plus que nos parents, nos enfants et nos propres personnes, de la mort de notre enseignant, de notre guide, de celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, le dernier prophète et messager, wa Muhammad ibn Abdillah ابن عبد المطلب الهاشم القرشي، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، على رأس 40 سنة، وكان الناس قبل ذلك في جهالة جهلا وضلال مبين وظلم عظيم، حتى أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا أفضل خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام. Avant son envoi, avant qu'il reçoive le message, les gens étaient dans un égarement profond. Ils adoraient autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient plongés dans l'injustice, dans les ténèbres du polythéisme, de l'égarement, de l'ignorance. Il y avait autour de l'Kaaba plus de 360 idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y avait aucune justice et les droits des faibles n'étaient pas préservés. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre fin à cela dans la péninsule arabique, il a révélé Al-Qur'an al-Karim sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala fit sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la science, de l'injustice vers la droiture. Il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala, donc selon la traduction, Allah vous a certes fait une grande faveur lorsqu'il vous envoya, lorsqu'il envoya à vous un messager issu d'entre vous, c'est-à-dire que vous connaissez sa lignée, il fait partie des plus nobles d'entre vous. Il vous récite ces versets, il vous purifie alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Il n'y a pas un bien dans lequel tu vis, cher frère, sans que la cause n'en soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est comme Allah nous le dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala par lui a redonné vie à des gens qui étaient morts. Tu les voyais marcher sur la terre, mais leur cœur, leur corps n'était pour leur cœur qu'une tombe. Ils étaient morts. Allah subhanahu wa ta'ala leur a redonné la vie par l'envoi du dernier prophète et messager, notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala jalla wa ala fi kitabil aziz. Awa man kana mayta فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى nous montre cette réalité, cette vérité dans le Coran en nous disant: ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie. Les gens sans l'islam étaient morts. Et de par l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala leur a redonné la vie. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: n'as-tu pas vu celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie et à qui nous avons assigné une lumière avec laquelle il marche entre les gens? Cette lumière, c'est le Coran, c'est la révélation. De par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont regoûté à la vie. Les gens ont regoûté à la vraie vie, celle qui se concrétise dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. هذا الرجل الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأفضل الناس أخلاقا. اسمح لي أخي الغيث، فيه سيارة واحد من الإخوة من المسلمين جالسنا أنا اسمح لي قدر الله ما شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس تعبدا، كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه. وأفضل الناس أخلاقا. وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وبعث لأجل إتمام ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des personnes dans sa lignée. C'était la personne la plus noble. C'était la meilleure des personnes dans le comportement. Il est comme Allah l'a décrit dans le Coran, et tu es certes doué d'une moralité imminente. Tu as certes un comportement noble. C'était la meilleure personne dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se levait la nuit au point où ses talons s'effritaient. C'était la meilleure personne avec les enfants. C'était le meilleur des neveux. C'était le meilleur des époux. Le meilleur des pères. Le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes et des messagers. وما كل ذلك كان بشرا. Et malgré tout cela, ça n'était qu'un homme, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. On me fait la révélation, on me donne la révélation. Voici la différence entre nous et le messager, sallallahu alayhi wa sallam. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدُ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبُ بَلْ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. C'est un homme, on ne l'adore pas. Mais c'est un messager, on ne le dément pas. On le suit et on certifie l'ensemble de ses dires. فَكَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَتَزَوَّجُ النِّسَاءُ يضحك ويبتسم يحزن ويمرض عليه الصلاة والسلام. Il mangeait et buvait comme le font les hommes. Il épousait les femmes comme le font les hommes. Il était heureux et parfois il était triste. Il tombait malade et parfois il était blessé comme le sont les hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. وكان كما ذكرت لكم أفضل الناس خلقا. Il était, comme je vous l'ai dit, le meilleur des gens, le meilleur dans son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yumazih as-sibyan. Il plaisantait et jouait avec les enfants. عند النسائي من حديث شداد بن إنهاد وصححه العلامة الألباني رحمهم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فركب عليه صبي فأطال النبي السجود فقال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين يدي أو بين ظهرني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنك أو أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك فقال عليه الصلاة والسلام لم يكن من ذلك شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec les enfants. Il jouait avec les enfants et laissait les enfants jouer avec lui, même dans les situations où il était le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un jour, alors qu'il était dans la prière, comme nous le rapporte Shaddad ibn al-Hat, un jour alors qu'il était dans la prière, en prosternation, un enfant est monté sur son dos. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allongé le sujoud, la prosternation. À la fin de la prière, les compagnons qui n'ont pas vu cela lui ont dit au messager d'Allah, tu as allongé le sujoud très longuement au point où nous nous sommes dit qu'il s'est passé quelque chose ou que tu recevais la révélation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, il n'est rien arrivé de cela. Walakin ibni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est rien arrivé de cela. Mais mon fils, c'est-à-dire mon petit-fils, m'a pris telle une monture. S'est servi de moi comme une monture. Alors j'ai détesté le faire descendre avant qu'il ait fini de prendre son plaisir. J'ai détesté le faire descendre de mon dos avant qu'il ait fini de s'amuser. صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح الرجال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عند البيهقي عن أنس رضي الله عنه، وصح العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وكان فيه رجل من أهل البادية يقال له زاهر ابن حرام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه، أي أمسكه من ورائه ورفعه من خلفي، والرجل لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرسلني من هذا؟ فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا، أي لا أحد يريد يشتريني منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر. ولكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: بل أنت عند الله غال رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanta avec ses compagnons. Un jour il est entré au marché et il y avait un compagnon qui se prénomme Zahir ibn Haram. Il vendait sa marchandise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu par derrière. Il est venu derrière lui, il l'a attrapé et il l'a soulevé, sans que Zahir ne s'aperçoive qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zahir radiallahu anhu a dit: relâche-moi, qui es-tu? Relâche-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait derrière lui. Lorsqu'il a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a su qu'il s'agissait de son bien-aimé alayhi salatu wa sallam, il n'a plus bougé afin de coller son dos à la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à dire: qu'est-ce qui achète cet esclave? Combien êtes-vous prêt à donner pour cet esclave? Alors Zahir radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, tu ne pourras rien tirer de moi. Ô messager d'Allah, personne ne voudra m'acheter. Je suis invendable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: mais auprès d'Allah, tu as une grande valeur. La ilaha illallah. Mais auprès d'Allah, tu as une grande valeur. Hadha Zahir ibn Haram ayyuha al-ikhwa radiyallahu anhu min ahli al-badiyah. Unzuru kayfa rafa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qadri. Voici un homme qui vivait à la campagne, un bédouin. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait ses compagnons. Regardez comment il honorait ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam, au point où chacun d'entre eux pensait être le plus aimé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ses nobles caractères. Wa kana yabki. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout homme, pleurait parfois et s'attristait parfois. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم حزن وبكى، فسئل عن ذلك فقال: إن القلب يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est grandement attristé et il s'est mis à pleurer. Alors les gens l'ont questionné sur cela. Il a répondu: certes, le cœur s'attriste, les larmes coulent, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Nous ne disons que ce qu'agrée notre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été peiné par cette situation très douloureuse. وَجُرِحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَالَ دَمُهُ الشَّرِيفُ. Il a été blessé à plusieurs reprises et son noble sang a coulé, sallallahu alayhi wa sallam. عِنْدَ بْنِ حِبَّانُ مِنْ حَدِيثِ آنَسِ بْنِ مَالِكِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَسَّنَهُ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَ sallallahu alayhi wa sallam كَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ مِنْ وَجْهِهِ كَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم قد شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله وهو يدعوهم الى الله سبحان الله هذا رسول الله اوذي في الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti appeler des gens à l'islam à Taif ou à un autre endroit, ils l'ont mal reçu au point de l'avoir blessé. Ils l'ont agressé. Ils l'ont molesté, alayhi salat wa salam. Anas ibn Malik nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le sang de son visage. Essuyer le sang de son visage et dit, comment est-ce qu'un peuple qui blesse son prophète et lui casse une dent pourrait réussir et obtenir la félicité? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, laysa laka min al-amri shay, tu ne possèdes rien de cet ordre, car c'est le serviteur d'Allah et c'est Allah le Seigneur des mondes qui décrète et décide tout ce qui se passe dans son univers jalla wa ala. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajmal an-nas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus belle des personnes. Il avait le meilleur comportement et en plus de cela, a été la plus belle des personnes. Il n'était ni trop grand ni trop petit. Il n'était pas gros ni maigre. Il était fort, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une belle barbe ronde. Alors on a dit aux compagnons, est-ce qu'il était semblable à l'épée dans sa beauté, dans sa luminosité? Alors les compagnons ont dit, là, voilà qu'il mithl al-qamar. Ils ont dit non, mais il était semblable à la lune, dans sa beauté et sa rondeur. Au point un compagnon dit, je regardais la lune, et je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis je regardais la lune à nouveau, puis je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wallahi kana ajmal min al-qamar. Puis il jure et il dit, il était plus beau que la lune, sallallahu alayhi wa sallam. ومع كل ذلك يا إخواني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. Et malgré tout cela, mes chers frères, le prophète صلى الله عليه وسلم était mortel. Il était mortel et Allah Azza wa Jal n'a pas donné l'éternité à sa créature dans ce bas monde. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده. C'est le dernier des prophètes et il n'y aura plus de prophète après lui ni de messager. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son livre, certes tu es mortel, certes tu mourras et ils mourront. Donc Allah nous informe dans le Coran que le prophète صلى الله عليه وسلم ses jours sont comptés. Ces jours sont comptés comme les jours des mortels sont comptés. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous n'avons pas donné à une personne l'éternité. Si toi tu meurs, vont-ils eux rester éternellement? Toute âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Dans tout cela il y a une épreuve. Puis c'est vers nous que se fera votre retour. وَأَوَّلُ حَدَثٍ نَذْكُرُهُ فِي هَذِي اللَّيْلَةِ الَّذِي نَسْأَلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِيهَا وَنَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَهَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. أول حدث يتعلق بهذا الموضوع الصعب طرحها قد حصل في السنة السابعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان فيها من أهل الكتاب، وامرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وشاة، وسألت قبل ذلك فيما يفضل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقيل لها ذراع، فأكثرت السم فيها ثم قدمتها فلاك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها ثم أمسك، فقال للصحابة أمسكوا فإنها مسمومة وهذا من أعلام النبوة La première histoire que je cite concernant l'histoire de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu en l'an 7 après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 7, que s'est-il passé, chers frères? En l'an 7, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la ville de Khaïba et il y avait eu dedans une partie des gens du livre. C'est alors qu'une femme a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un repas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa nature modeste, a accepté ce cadeau. Il acceptait les cadeaux, mais n'acceptait pas les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté ce repas. C'était de la viande, de l'agneau. Et cette femme a pris soin de demander ce que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme partie dans la bête. Il lui fut dit qu'il préférait l'épaule. Alors elle a empoisonné la bête et a pris soin de mettre beaucoup de poison dans les épaules, dans l'épaule. Donc la partie que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris place autour du repas avec certains compagnons. Puis, il a dit manger. Il leur a dit de manger et a lui-même porté à sa bouche de la nourriture, de la viande. Et lorsqu'il s'est apprêté à mâcher, ou bien il a commencé à mâcher, il n'a pas avalé cela. Et s'est empressé de dire aux compagnons, arrêtez de manger, ne mangez plus. Cette viande est empoisonnée. Cette viande est empoisonné. Dans une autre version du hadith, et cela a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et la base de ce hadith dans le Bukhari Muslim, dans une autre version du hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومه. وهذه معجزه اعطيت النبي صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, cessez de manger. Elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. Allahu Akbar. La viande a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son caractère néfaste et de sa dangerosité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de cesser de manger. Wahada hadith inda Abi Daoud min hadith Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu. ولكن من حكمة الله لم يموت النبي صلى الله عليه وسلم في الحين. Mais de par la sagesse d'Allah تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم, le prophète صلى الله عليه وسلم n'est pas mort sur le coup empoisonné. وهذا لحكم ذكرت من قبل علمائنا حفظهم الله تعالى ورحمهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'est pas mort sur le coup pour plusieurs sagesses qui ont été citées par nos savants, qu'Allah les préserve et leur fasse miséricorde. Al-Shir al-Faqih Sulayman al-Ruhayli Havidahullah ta'ala, un noble savant de Médine, de qui j'ai pris cette conférence, du moins la plupart, dit, pour plusieurs sagesses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sur le coup. Parmi celles-ci, le fait que le message n'était pas conclu. La prophétie n'avait pas été parachevée. Le message et la religion n'avaient pas été parachevés. Donc on a gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vie. Deuxièmement, c'était un signe qui témoignait de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi les gens qui, toute personne qui aura eu connaissance de cet événement, ajoutera de la science à sa science, ou atteindra le niveau de la certitude, ou même embrassera l'islam. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة حجة الوداع. Nous arrivons maintenant en l'an 10 après l'Égypte. En l'an 10, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son seul et unique pèlerinage. Il a effectué plusieurs fois l'Umrah, mais il a effectué qu'un seul pèlerinage. On le surnomme le pèlerinage d'adieu. On le surnomme le pèlerinage d'adieu. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر الناس ويشعر صحابته الكرام بدنوء اجله وبقرب موته عليه الصلاه والسلام. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, wallahu a'lam, que le prophète صلى الله عليه وسلم a commencé à avertir, ou plutôt à signaler par des signes cachés à ses compagnons que sa fin était proche. Il y a donc des signes qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont venus dans sa biographie, dans son histoire, qui étaient comme des avertissements montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas tarder à mourir, que sa fin fit dunya, que son passage, que sa visite de ce bas monde allait bientôt arriver, allait bientôt se terminer. Et ces signes ont commencé au pèlerinage d'adieu. Qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama 'inda an-nasa' min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons durant le pèlerinage d'adieu: prenez de moi vos rites, apprenez de moi vos rites, il se peut qu'on ne se revoie pas, qu'on ne se revoie pas l'année suivante. Prenez de moi vos rites, il se peut que je n'effectue plus le pèlerinage l'année suivante, l'année prochaine. Donc dans cela, il y avait un signe quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt mourir. Durant le pèlerinage d'adieu, le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un verset qui est un des plus grands bienfaits pour nous, pour notre communauté, أيها المسلمون. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة عظيمة القدر والنعمة والفضل. هذه الآية إخواني الكرام هي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un verset qui est un des plus grands bienfaits pour nous les musulmans. Ce verset est: aujourd'hui, j'accomplis sur vous mon bienfait, parachevez pour vous votre religion et agréez pour vous comme religion l'islam. Agréez comme religion pour vous l'islam. Un grand bienfait qu'on a reçu. Et le Coran tout entier est un bienfait. Des gens du livre sont venus voir les compagnons et leur ont dit: il y a un verset qui est dans votre livre, le Coran. S'il avait été révélé sur nous, nous aurions pris ce jour en jour de fête. Alors Omar radiallahu anhu leur a dit, quel est ce jour, quel est ce verset? Et ils lui ont cité ce verset. Alors Omar radiallahu anhu leur a dit, je sais quel jour a été révélé ce verset. Il a été révélé un vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Arafat. Et ce sont les meilleurs jours de l'année et de la semaine. Donc Allah Azza wa Jalla a joint ces deux jours pour faire révéler ce grand bienfait. Le meilleur jour de la semaine est Arafat. Et un des meilleurs jours de l'année est Arafat. Falhamdulillah, alladhi akramana bi inzali al-Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban. مباركا الذي جعلنا من أمة سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala et proclamons sa louange, celui qui nous a honorés de par la révélation du Coran, celui qui nous a gratifiés et nous a comblés de ses faveurs en faisant en sorte que nous soyons des adeptes de la communauté du meilleur prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك نزلت سورة النصر a été également révélée سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette magnifique sourate dans laquelle il nous dit, lorsque la victoire te viendra ainsi que le secours et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion, alors à ce moment-là proclame ou bien proclame la pureté de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est certes grand accueillant au repentir. Chers frères, sachez que cette sourate, sourate Nasr, est la dernière sourate, la dernière sourate qui a été révélée entièrement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adraktum? La dernière sourate qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entièrement, c'est sourate al-Nasr. C'est sourate al-Nasr. Par contre, le dernier verset qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui répond à cela? Quel est le dernier verset? Jazakallahu khayran an. Kama qala al-Sheikh, فَاتَّقُوا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ الآية. Et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَكَانَ فِيهَا إِخْبَارٌ بِدُنُوِ أَجَلِهِ صلى الله عليه وسلم. Et dans cette sourate, Idha ja'a nasrullahi wal fath, il y avait en réalité l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عندما نزلت هذه سورة فرح المسلمون فرح المسلمون لكن أبا بكر بكى لكن الصديق الأكبر بكى لأنه فهم مراد الله تبارك وتعالى وأن هذه السورة إخبار لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque cette sourate a été révélée, les musulmans se sont grandement réjouis. Mais Abu Bakr, le très véridique, As-Siddiq, a fondu en larmes, radiallahu anhu. Car il a compris que cette sourate annonçait le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'à l'époque de Omar, du califat de Omar radiallahu anhu, dans une réunion des grands compagnons, ceux qui avaient participé à la bataille de Badr, dans laquelle il avait l'habitude d'inviter Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, le grand savant du Qur'an, de l'exégèse du Qur'an, les compagnons ont dit: comment se fait-il que tu invites ce jeune homme alors que nous avons des enfants semblables à lui et nous ne les invitons pas à nos réunions? Omar radiallahu anhu a voulu leur faire comprendre que cet enfant, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas comme les autres. C'était un savant du Coran qui méritait de s'asseoir avec les grands. Alors le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit un jour aux compagnons de son assise: que dites-vous de suratu Idha ja'a nasrullahi wal fath? Alors les compagnons ont dit ce qui apparaissait de la sourate. Puis il a dit à Ibn Abbas: que connais-tu de cette sourate, Ibn Abbas? Que connais-tu de cette sourate, ô Ibn Abbas? Alors Ibn Abbas radiallahu anhu a expliqué cette sourate en disant: dans cette sourate, il y a l'annonce du décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah l'a envoyé avec une mission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a achevé sa mission. Et les gens sont entrés en masse dans la religion. Alors il ne lui reste plus qu'à prendre ses provisions, à faire du dhikr, à demander pardon à Allah, puis revenir vers Allah pour trouver la grande récompense auprès de son Seigneur. Et certes, chers frères, lorsque nous sommes envoyés pour accomplir une mission, lorsque la personne a fini sa mission, il ne lui convient pas de tarder. Il doit revenir auprès de ceux qui l'ont envoyé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette sourate, on lui a annoncé que sa fin était proche. À la fin de Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Medina. Fa'atamma shahra bil hijjah. ثم محرم ثم بدأت الأحداث أو الحادثات في نهاية أو في شهر صفر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine. Il a fini le mois de Dhul Hijjah. Puis nous entrons ici dans la 11e année après l'Hijra. Il a complété le mois de Muharram. Et dans le mois de Safar, il y a eu plusieurs événements. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous cite une histoire, et Muhaddith al-Arnaout, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est sahih. An Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, lamma ba'athahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Yaman. خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه ويوصيه ومعاذ راكب على راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé Mu'adh au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam, il l'a accompagné pour lui dire au revoir. Mais en réalité, c'était pour lui faire ses adieux. Et c'est encore ici un autre signe qui nous montrait que la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. وَيَمْشِ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam تَحْتَ رَاحِلَتِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, accompagné Mu'ad, et Mu'ad ibn Jabal était sur sa monture. Il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait des recommandations. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini, a dit à Mu'ad, radiallahu anhu, ô Mu'ad, il se peut qu'après cela, nous ne nous revoyons plus. Il se peut après cela qu'on ne se rencontre plus. Il se peut qu'après cette année, tu ne me revoies plus. Ou que tu passes près de ma tombe, ou près de ma mosquée. Alors Mu'ad radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Alors Mu'ad radiallahu anhu s'est mis à pleurer par la grosse douleur qui l'a touché de se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se dire que peut-être il ne le reverra plus jamais. Imaginez-vous cette situation, subhanallah. Tu vois la personne que tu aimes le plus qui t'envoie pour la meilleure des actions, ad-da'watu ila Allah. Imaginez-vous à la place de Mu'ad qui dit au revoir à son bien-aimé, qui dit au revoir à son messager, qui dit au revoir à celui qui avait la place du père pour les musulmans. Et cet homme lui dit, très certainement, ou bien il se peut, ou bien j'ai bien peur que tu ne me recroises plus après cette année. J'ai bien peur que lorsque tu reviendras, tu ne trouveras que ma tombe ou ma mosquée. Alors Mu'ad a fondu en larmes. Il s'est mis à pleurer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné son visage vers Al-Madinah et a dit: ceux qui sont le plus proches de moi, ceux que j'aime le plus, ou les gens qui ont le plus de droits avec moi, ce sont les gens pieux, où qu'ils soient. Quels que soient ces gens-là et où qu'ils soient. وفي بداية شهر سفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فدعا لشهداء أحد أو صلى عليهم. قال الصحابة: كالمودع للأحياء والأموات. Dans le mois de Safar, au début du mois de Safar, le prophète صلى الله عليه وسلم s'est rendu à Uhud. Il a invoqué et ou prié sur les martyrs de la bataille de Uhud. Les compagnons ont dit, c'est comme s'il faisait ses adieux aux morts et aux vivants. C'est comme s'il faisait ses adieux aux morts et aux vivants. Encore une fois ici, un signe de la fin qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, inni faratun lakum, je vous devance, je pars devant vous. Wa ana shahidun alaykum, je serai témoin. Wa inni wallahi ka anni anzuru ila hawdi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite dit: je jure par Allah, inni wallah anzuru ila hawdi al-an, je vois en ce moment même le bassin qui m'a été accordé. Al hadith. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم ودعا لهم. Un soir, en plein milieu de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Allah lui a ordonné de sortir au cimetière et d'invoquer pour les morts. Invoquer pour les morts. Et non pas invoquer les morts, ni demander aux morts. لأن الدعاء عبادة والدعاء لا يكون إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله دعاء عبادة، أو سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك بالله العظيم ونقض إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ودعا لهم واستغفر لهم وقال إني بكم لاحقون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au cimetière Al-Baqi' qui est connu. Et il a invoqué Allah Azza wa Jal en leur faveur. Il a fait dua pour eux. Et non pas, il ne les a pas invoqués eux. Car l'invocation est que pour Allah. Et nous n'avons pas le droit d'invoquer un mort. L'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. On doit donc invoquer que Allah. Et ne jamais invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ad-du'a, c'est l'adoration. Il a invoqué Allah azza wa jalla en leur faveur, a fait du'a pour eux, et leur a dit, je vais bientôt vous rejoindre. Je vais bientôt vous rejoindre. Wa fi al-yawm al-thamin aw al-tasi' wa al-'ishrun min shahr safar, yawma al-ithnayn, shahida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam janazatan. في البقيع فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه وهذا في الحقيقة أثر للسم الذي كان في الشاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du 28 ou du 29 du mois de Safar, un lundi, il a assisté à une prière mortuaire au Baqi', au cimetière Al-Baqi'. Et sur le chemin du retour, il a été touché, il a été pris par une grosse migraine. Il a commencé à ressentir de lourdes douleurs. Et cela, en réalité, n'était que l'effet de l'agneau qu'il avait goûté. En quelle année ? En l'an 7, alors qu'il avait conquis la ville de Khaybar. Jazakumullahu khayra. Falamma dakhala baytahu sami'a Aisha radiyallahu anha taqul wa ra'sa. Faqala bal ana ya Aisha wa ra'sa. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a entendu Aisha dire, j'ai mal à la tête. Alors il lui a dit, c'est plutôt moi qui ai mal à la tête, oh Aisha. ومن هذا اليوم أيها الإخوة حفظكم الله تعالى استرسل به المرض. Et c'est à partir de ce moment-là que la maladie n'a plus quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la maladie n'a fait qu'amplifier avec ses douleurs. تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا. ولكن مع شدة الوجع كان يدور بين نسائه. وكان يحضر صلاة الجماعة في المسجد في مسجده مع المسلمين ويصلي بهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait cette douleur, mais elle faisait que s'amplifier. Chaque jour, elle faisait que s'amplifier. Malgré cela, il ne cessait de tourner entre ses épouses, de faire le tour de ses épouses. Il dormait telle nuit chez une telle, et telle autre chez la seconde, puis chez la troisième, et ainsi de suite. Et il ne cessait d'assister à la prière commune avec les musulmans et de diriger la prière, malgré sa lourde maladie. Il ne cessait d'accorder à chacune de ses épouses son droit, car il craignait énormément Allah Azza wa Jal envers ses épouses. Et pour nous enseigner l'adl, la justice qu'il y a dans l'islam, dans tous les domaines. Alors qu'en réalité, il souhaitait, en son fort intérieur, rester chez Aïcha. Et c'est l'endroit où il trouvait le plus le repos. وكان يشعرهن بذلك وكان يقول لهم أين أنا غدا أين أنا غدا يريد عائشة وليلتها. Il disait et il montrait implicitement son désir de rester chez Aïcha, car c'est l'endroit où il trouvait le plus de quiétude, et c'était, comme nous le savons tous, son épouse préférée. Il aimait ses épouses, mais Aïcha avait une place particulière. Alors, il leur faisait ressentir cela, mais ne le citait pas de manière explicite. Il disait, où serai-je demain? Où serai-je demain? Et en réalité, il voulait dire, quand est-ce que je serai chez Aïcha? À quand la nuit de Aïcha? Mais il n'a pas demandé cela. Il n'avait pas encore demandé cela à ce moment. وذات يوم وكان في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ويمرض فيها أو فيه وكان يقول أين أنا أين غدا عفوا أين أنا غدا اشتد به الوجع اشتد به الوجع جدا. Alors qu'un jour il se trouvait chez Maïmouna, la mère des croyants رضي الله عنها, et qu'il était soigné, ou bien qu'il se faisait soigner, et qu'on y prenait soin, qu'on prenait soin de lui chez Maïmouna, il a été pris par de lourdes douleurs. Ces douleurs se sont amplifiées grandement ce jour-là. فَاسْتَأْذَنَ نِسَاءَ أَنْ يُمَرَّضْ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. Ça n'est qu'à ce moment qu'il a demandé la permission et l'agrément de ses épouses afin d'être soigné chez Aïcha et de ne plus se déplacer. Et de ne plus se déplacer. فَأَذِنَّا لَهُ كُلُّهَا أَوْ كُلُّهُمْ. Elles lui ont toutes permis cela et ont toutes agréé cela. Et dans cela, on voit le noble caractère qu'avaient les mères des croyants. Elles voulaient toutes passer les derniers moments, leurs derniers moments, évidemment, avec leur mari. Que dire alors si c'est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, elles ont fait devancer ce que lui aimait sur ce qu'elle aimait. Wa fi hadha darsun lin-nisa. Et dans cela, il y a une grande leçon pour les femmes dans le comportement à avoir avec le mari. كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة لكن لشدة ضعفه ولشدة وجعه كان ما يستقيم قائما. Il ne tenait plus debout seul. ولكن لضعفه وشدة وجعه خرج من بيت ميمونة ولم يطيق المشي فانطلق إلى بيت عائشة رضي الله عنها بين العباس وعلي رضي الله عنهما. Il est alors sorti accompagné de Ali ibn Abi Talib et d'Al-Abbas. Il était entre eux, il était entre eux et il le portait. Ils l'ont aidé à sortir de chez Maïmouna pour arriver chez Aïcha. Et il était tellement faible, sallallahu alayhi wa sallam. تقول عائشة رضي الله عنها تخط قدماه الأرض. Il était tellement faible que j'ai vu la trace de ses pieds sur le sol. Lorsqu'il est sorti de chez Maïmouna pour aller chez Aïcha, il était porté entre l'Abbas et Ali. Il ne pouvait plus supporter ses jambes. Alors ses jambes traînaient au sol, ses pieds traînaient au sol, au point d'avoir marqué, au point d'avoir tracé la terre, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tout cela, il ne s'est jamais plaint. Il agréait le destin, le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, était patient à espérer sa récompense. Puis il est arrivé chez Aïcha radiallahu anha. Wa kanat ahsana zawja wa ahsana mumarrida ta'tani bihi sallallahu alayhi wa sallam تمرضه وتتفقد حاجته وترقيه وتدعو له وتقرأ عليه المعوذتين رضي الله عنها. Et dans cette histoire, on voit la grande place des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. les meilleures des femmes, les plus pieuses et les plus pures. Aïcha radiallahu anha, durant les derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est occupée de lui comme la meilleure des épouses, comme la meilleure des infirmières, comme la meilleure des femmes médecins, comme la meilleure des croyantes, radiallahu anha. Elle prenait soin de lui. Elle lui demandait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aimait, et le faisait de la meilleure des façons. Elle faisait dua pour lui. Elle invoquait Allah Azza wa Jal en sa faveur. Elle lui faisait même ruqya. Elle lui récitait « Qul a'udhu bi rabbil falaq »« Qul a'udhu bi rabbil nas » Elle récitait, elle prenait ses mains et lui passait ses propres mains sur le visage afin d'espérer la baraka. Afin d'espérer la baraka. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une baraka dhatiya wa hadha khasun bihi. Car il a une baraka dhatiya, une baraka qui est même dans sa salive et sur sa personne, contrairement aux autres choses. Contrairement aux autres choses. Nous n'avons pas le droit de chercher la baraka sur des créatures. Wal barakatu min Allah. Seul Allah peut donner la baraka dans une chose. Personne ne peut bénir une chose, excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil yawm il khamis. Wa fil yawm il khamis. Et le jour du jeudi est un jour très difficile. Ijtadda alamun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma zala كذلك. La maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est amplifiée. Le jeudi, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est amplifiée. Ses douleurs se sont aggravées. فقال للصحابة الذين كانوا معه هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. Il a demandé à ses compagnons qui étaient en sa compagnie, amenez-moi des feuilles, amenez-moi des feuillets, afin que je vous dicte des recommandations. Avec celles-ci, vous ne vous égarerez jamais après moi. Walakin, اختلف الصحابة لشفقتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم لما رأوا شدة وجعه قال بعضهم كعمر حسبنا كتاب الله وجع النبي صلى الله عليه وسلم شديد دعوه وقال بعضهم ايتوه بكتاب يكتب لنا كتابا لن نضل بعده أبدا فلما تنازعوا ولما أكثروا من الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكثروا من الكلام دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. Lorsqu'ils ont divergé et qu'ils n'ont cessé de se disputer, après que certaines personnes aient dit à l'image de Omar, laissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous suffit, il est bien trop souffrant, laissez-le se reposer. D'autres parmi les compagnons ont dû apporter lui ce qu'il a demandé, afin qu'il nous écrive des recommandations, c'est-à-dire afin qu'il dicte des recommandations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus diverger ainsi, il leur a dit au final, laissez-moi, fi de cela. Ce à quoi je vous appelais est bien meilleur à ceux que ce à quoi vous m'appeliez. Puis Ibn Abbas radiallahu anhu dit, ثم أوصاهم بثلاث. Puis il leur a fait trois recommandations. أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال أنسيتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Ibn Abbas, au final leur a dit trois choses. La première chose, faites sortir les païens de la péninsule arabique. La deuxième chose, honorez avec largesse, avec générosité, les délégations qui vous viendront, tout comme je le faisais. Honorez les délégations qui vous viendront, tout comme je le faisais. Puis Ibn Abbas nous dit, et il s'est tué sur la troisième, ou on lui a fait oublier. Puis les compagnons sont sortis. La maladie ne cesse de s'accentuer. Les douleurs de se faire ressentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'une seule obsession. Faire des recommandations à sa communauté. Faire toutes les causes pour qu'il reste sur sa sunna après sa mort. Pour qu'il ne tombe ni dans le polythéisme, ni dans l'innovation, ni dans les perversions, ni dans l'égarement. فهو الداعي الكبير أفضل الدعاء الداعي إلى التوحيد الداعي إلى حسن الخلق الداعي إلى العدل الداعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans cet état, faisait que de se soucier de sa communauté. Il se souciait de vous. Il se souciait de vous afin que cet islam vous parvienne d'une manière pure et authentique, sans ajout et sans manquement. Au point d'avoir dit à ses compagnons, « Wa dittu, law anni ra'aytu ikhwani, j'aurais tant aimé voir mes frères. » Alors les compagnons lui ont dit, « Alasna ikhwana ki ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères au messager d'Allah ?» فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. Vous, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes chers compagnons. إخواني. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a défini, a dit qui sont ses frères. Savez-vous mes chers frères qui sont ses frères? أتدرون من إخوان إخوانه. Savez-vous qui sont les frères du messager d'Allah? Qui est-ce qui lui manquait? Qui est-ce qu'il aurait, aimé, il aurait tant aimé voir? فَقَالَ إِخْوَانِي قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ أَنْ رَآنِ بِمَالِهِ وَأَهْلِهِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes frères sont des gens qui ne sont pas encore là. C'est des gens qui viendront après. Ils ne sont pas encore là. L'un d'entre eux aurait aimé me voir, quitte à donner tout son argent et sa famille en rançon. Ce sont vous, ces frères. Ce sont vous, ces frères, les musulmans qui sont au jour d'aujourd'hui et les musulmans qui sont venus après sa mort. C'est vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé voir. Vous ne l'avez jamais vu, pourtant vous avez cru en lui, vous l'avez aimé, vous avez secouru sa sunna. Vous avez adoré Allah Azza wa Jal comme il nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il souffrait énormément, alors qu'il n'arrivait presque plus à marcher, il a pensé à sa communauté, et a ordonné à ses épouses de lui apporter 7 outres d'eau qui n'avaient pas encore été décachetées, qui n'avaient pas été ouvertes. Ce sont des récipients faits de peau. Il leur a demandé 7 récipients qui n'étaient pas ouverts. Puis ils lui ont amené un lavoir, une chose dans laquelle on s'installe pour se laver. Al-Mahdhab. Puis il a ordonné à ses épouses de verser sur lui ses 7 outres d'eau. Alors, elles se sont exécutées. Puis il leur a fait un signe pour leur dire, cela suffit. Puis il leur a fait un signe pour leur dire, cela suffit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour sortir à la mosquée et voir ses compagnons, subhanallah. Alors qu'il est dans cet état, il pense qu'à une chose, aller voir ses bien-aimés. Et ici il y a une leçon. Ici il y a une leçon, c'est que le prêcheur, dans toute situation, il pense à donner, à prodiguer le bon conseil. Alors il est sorti à la mosquée. Puis, je vais parler exclusivement en français pour tenter de finir. Puis il est sorti à la mosquée. Il est monté sur le minbar. Et ça allait être la dernière fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prendre place sur son minbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est monté sur le minbar. S'est assis sur le minbar. فحمد الله وأثنى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي رواية لمسلم قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد راوي الحديث قلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده وما بين عنده فكان رسول الله وذاك العبد فكان رسول الله وهذا العبد وكان أبو بكر أعلمنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa dernière khutbah à la mosquée sur le minbar a dit certes Allah a donné le choix à l'un de ses serviteurs entre le fait de rester dans ce bas monde et le fait de choisir ce qui se trouve auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui se trouvait auprès d'Allah. Alors Abu Bakr s'est mis à pleurer. Abu Saïd, le rapporteur du hadith, nous dit, je me suis dit en moi-même, pourquoi est-ce que cette personne âgée se met à pleurer? Pourquoi est-ce que cette personne âgée pleure? Qu'est-ce que ça peut faire si Allah a donné le choix à une créature entre le fait de choisir ce bas monde et le fait de choisir ce qui se trouve auprès d'Allah, et ce serviteur a choisi Allah? Mais en réalité, de qui est-ce qu'il s'agissait? Il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Seul Abu Bakr avait compris que ce serviteur c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Dans une autre version du hadith, Abu Bakr a dit, nous donnons en rançon au messager d'Allah pour te garder avec nous, pour te secourir. Nos pères et mères, on donnerait pour toi en rançon au messager d'Allah, nos pères et mères. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La tabki ya Abu Bakr, ne pleure pas ô Abu Bakr, ne pleure pas ô Abu Bakr. Inna amanna nasi alayhi fi suhbati wa mali Abu Bakr, wa abra ila Allah. من اتخاذ أحدا منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولكن الأخوة. Puis il a dit, tu es celui ô Abu Bakr qui a le plus de faveur sur moi dans son argent et sa famille. Et je me désavoue d'avoir pris une personne avec le plus haut niveau de l'amour. Car certes Allah m'a pris en Khalil avec le plus haut niveau de l'amour. Comme il a pris Ibrahim en Khalil. Et si j'avais choisi quelqu'un avec le plus haut niveau de l'amour, j'aurais choisi Abu Bakr. Mais il y a entre nous la fraternité. Puis il a ordonné à ce que toutes les portes des compagnons qui donnaient sur la mosquée soient fermées. Sauf la porte de Abu Bakr. Sauf la porte de Abu Bakr. Puis il a fait des recommandations envers des bonnes recommandations pour les Ansar. Puis il a dit, certes, ceux qui étaient avant vous, prenez les tombes de leurs prophètes et de leurs personnes pieuses en lieu d'adoration. Ne le faites pas. Il a mis en garde contre le polythéisme. Dans ces derniers moments, il a mis en garde contre le polythéisme. Puis, il est descendu du minbar et est rentré chez Aïcha. Plus tard, Fatima est venue. Il y avait ses femmes autour de lui qui discutaient. Et qui s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. elles ont dit, Fatima est arrivée, تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رضي الله عنها. Alors Fatima رضي الله عنها est arrivée. Elles nous disent que sa démarche était semblable à la démarche du prophète صلى الله عليه وسلم. Il n'y avait aucune différence dans sa manière de marcher entre sa manière de marcher et la manière de marcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بابنتي واجلسها بجنبي. Il lui a dit, sois la bienvenue ô ma fille, bienvenue à ma fille. Et il l'a fait s'asseoir à côté de lui. صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأت شد, lorsqu'elle a vu les grands tourments que subissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa grande douleur, elle a dit, comme tu es souffrant ô mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tranquillisé. Par la suite, il lui a fait une confidence, il lui a dit une chose qu'il n'a pas fait entendre à ses épouses. Fabakat, alors elle s'est mise à pleurer. ثم أسرها ثانية. Puis il lui a fait une deuxième confidence. Alors à ce moment-là, ضحكت, elle s'est mise à rire. على عائشة, a dit, oh Fatima, que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle voulait tout savoir. Que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle voulait toute la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son bien-aimé. Alors Fatima, celle qui a été éduquée في بيت النبوة, dans la maison de la prophétie, a dit, jamais je ne dévoilerai le secret du messager d'Allah. Hadiya tarbiya. Hadiya tarbiya. Elle a dit, jamais je ne dévoilerai le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Aïcha est revenue voir Fatima et lui a dit, je te demande par le droit que j'ai sur toi, dis-moi ce qu'il t'avait dit. Alors elle lui a dit, maintenant oui. La première fois, lorsque tu m'as vu fondre en larmes, il m'a dit, Jibril avait l'habitude de me réciter le Coran chaque année une fois. Mais cette année, il me l'a récité deux fois. Et je vois en cela un signe de ma mort. Alors j'ai fondu en larmes. Puis lorsqu'il a vu ma tristesse, il m'a dit, lorsqu'il a vu mon chagrin et mon inquiétude, il m'a dit, serais-tu satisfaite, ô Fatima? Ne serais-tu pas satisfaite, ô Fatima, d'être la première de ma famille à me rejoindre? La première de ma famille à me rejoindre. À me rejoindre où? C'est la première qui est morte de sa famille après lui, 6 mois après. Dans l'autre version du hadith, et après cela, il lui a dit, « Wa ni'ma salaf analaki. Et quel bon prédécesseur suis-je pour toi ?» Dans l'autre version du hadith, Allah tardaina an takuni sayyidata nisa'il alamin aw al-mu'minin. Ne serais-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes parmi les croyants ou la meilleure des femmes du paradis? Alors j'ai souri et tu m'as vu rire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela. Elle est décédée 6 mois après lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, ses heures avancent, ses heures passent, et la maladie augmente et s'intensifie. Puis il est sorti pour faire la prière. Et nous arrivons, chers frères, à la dernière prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie dans la mosquée, dans sa mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatul Maghrib, la prière du Maghrib. Quelle sourate pensez-vous qu'il a récité, malgré ses grandes douleurs? Il a récité Suratul Mursalat. Il a récité Suratul Mursalat, qui fait 50 versets. Qui a 50 versets. Il n'a pas récité une courte sourate. Il a récité son plaisir. Il a récité la parole de son Seigneur. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ. La chose la plus aimée auprès de lui était la prière. مُنَاجَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, قِرَاءَةُ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, la lecture de la parole du tout miséricordieux. Il a récité donc Sourate al-Mursalat dans la prière du Maghrib. Puis il est rentré chez lui. Nous arrivons à la prière du Isha. Nous arrivons à la prière du Isha. Il voulait sortir pour faire la prière, mais il n'avait plus de force. Alors il a ordonné à ses épouses de lui amener de l'eau. Il s'est purifié, il s'est lavé. Puis il a regardé vers la sortie, il s'est levé pour sortir, il s'est évanoui. Il s'est évanoui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est réveillé et a dit, « Asallan nas, est-ce que les gens ont prié ?»« Qalu la. » On lui a répondu, « Non. » وهم ينتظرونك يا رسول الله il t'attend au messager d'Allah. قال احضروا لي ماء, amenez-moi de l'eau. Alors il s'est lavé à nouveau. Puis lorsqu'il s'est levé et a voulu sortir, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé à nouveau, il a demandé, est-ce que les gens ont prié, est-ce qu'ils ont fait la prière du Isha? On lui a répondu, non, au messager d'Allah, ils t'attendent tous. Il a dit, apportez-moi de l'eau. Puis il s'est lavé, il s'est préparé pour sortir. Alors on lui a dit, alors lorsqu'il a voulu sortir, il s'est évanoui à nouveau. Puis il s'est réveillé et a dit, est-ce que les gens ont prié? Subhanallah. Son souci était la prière, son souci était notre prière. Pourquoi est-ce que ça n'est pas notre souci à nous, chers frères? Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas Allah dans ses salawats? Pourquoi est-ce qu'on délaisse la prière du Isha à la mosquée? Je ne permets pas d'être filmé. Celui qui a filmé, je lui demande d'effacer. Je ne lui en veux pas car il ne savait pas, mais je ne permets pas d'être filmé. Celui qui a filmé, je lui demande d'effacer. Jazakallahu khairan et merci pour votre compréhension. Est-ce que les gens ont prié? Non, ils n'ont pas prié, ils t'attendent. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha a dit, oh messager d'Allah, Abu Bakr est quelqu'un de très sensible. Lorsqu'il récite le Coran, on n'entend pas sa récitation, il ne peut retenir ses larmes. Demandez à Abu Bakr de présider la prière. Au messager d'Allah, dis à Omar plutôt. Au messager d'Allah, ordonne à quelqu'un d'autre. Demandez à Abu Bakr. Et en réalité, Aïcha a dit cela car elle avait peur que les gens voient en Abu Bakr une mauvaise augure. Le premier qui a prié après la mort à la place du prophète sallam, c'est Abu Bakr. Peut-être qu'ils vont le voir comme une personne qui amène le mal. Alors, c'est pour ça qu'elle voulait que quelqu'un d'autre prie à la place de son père. Par la suite, Abu Bakr a fait la prière. Et avant cela, il a dit à Omar, fais la prière. Omar lui a dit, non, tu mérites plus toi de faire la prière. Ils ont fait le Isha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti mieux. Il s'est senti mieux, il est venu. Il est venu entre eux, deux personnes, Barira et Nauba, qui l'ont amené jusqu'à un point B. Ensuite, Al-Abbas et une autre personne l'ont emmené jusqu'à sa place. Il s'est mis à côté du Mada, du prophète de Abu Bakr. Et Abu Bakr priait avec la prière du prophète, et les gens priaient avec la prière de Abu Bakr derrière. Abu Bakr debout et le prophète assis. Puis il est rentré chez lui. Plus tard arrivé, les jours ont passé, il est arrivé à la prière du Zahr. Nous arrivons à la prière du Zahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt les jours sont passés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait plus à sortir. Et c'est Abu Bakr qui faisait la prière tous ces jours-ci. Il faisait des recommandations à ses compagnons. Il a appelé ses petits-enfants Al-Hassan et Al-Hussein. Il les a embrassés et a fait des recommandations pour eux. Il a appelé ses épouses et leur a donné des conseils. Il donnait des recommandations aux croyants jusqu'à arriver le dimanche, la veille de sa mort. Il a légué, il a affranchi les esclaves, il a donné les 7 dinars qui lui restaient. Puis nous arrivons le jour de sa mort, le lundi. Il a regardé par la fenêtre de chez Aïcha à la prière du Fajr. Et les croyants ont vu le prophète sallam. Le prophète sallam a souri et a ri. Alors, ils ont été troublés par cela. Ils ont failli être distraits dans leur prière tellement ils ont été heureux. Et c'était en réalité l'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il a vu les musulmans réunir la prière du Fajr. La prière qui nous pose le plus de problèmes de par la faiblesse de notre foi. On doit craindre Allah Azza wa Jal envers ses salawat. Puis il a refermé le rideau. Ensuite Abdurrahman est rentré à Dhuha. Il avait un siwak. Il a voulu le siwak. Aïcha lui a pris. Elle l'a ramolli. Et il l'a pris le siwak et a utilisé le siwak. Là, au dernier moment de sa vie, il a voulu utiliser le siwak. Par la suite, il était allongé sur Aïcha. Fatima souffrait devant la souffrance de son père et lui a dit, ton père ne souffrira plus après ce jour. Par la suite, Aïcha a entendu un bruit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fir rafiq il a'la, avec la compagnie la plus haute, Allahumma gfirli, warhamni, wa alhiqni, fir rafiq il a'la. Oh Allah, fais-moi miséricorde, pardonne-moi et joins-moi avec l'assise la plus élevée, avec la meilleure des compagnies. Puis sa main s'est relâchée. Elle a compris qu'on lui avait donné le choix. Comme on donne le choix aux prophètes au moment de leur mort et qu'il a choisi Allah. Ensuite, sa tête s'est relâchée et il est mort sur Aïcha. Il est mort sur Aïcha, entre son cou et son giron. Puis il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il est décédé comme les autres sont décédés. C'est ainsi que les anges de la miséricorde sont venus avec l'ange de la mort pour prendre son âme, alayhi salatu. Wassalam. On s'arrête sur ça car le temps me manque. Wa'atadir ma'adha ala l'itala. Et je vous demande de m'excuser pour avoir empiété sur le temps qui m'avait été accordé. Wallahu a'lam. Wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.